Le Liban, comme dernier plan, se détache guerriero sur l'azur de l'éther. À ses pieds, une vaste échancrure circulaire ronge les flancs de la montagne. Une plaine luxuriante de verdure occupe cet espace vide et vient mourir jusqu'à la mer, formant l'immense figure d'un croissant dont les extrémités s'avancent dans les eaux. L'un de ses promontoires supporte la croupe abaissée d'une chaîne de montagnes qui s'entr'ouvre pour jeter un fleuve à la mer. L'autre est une belle colline boisée ornée d'une ville dont les blanches maisons tranchent sur un fond de sombre verdure. Ces maisons, comme dans les pays très chauds, percées de rares ouvertures, sont couvertes de terrasses et s'échelonnent jusqu'au sommet de la colline. Les derniers édifices reposent sur les rochers moussus de la grève et sur les débris des anciennes fortifications que la mer vient blanchir de son écume. Autour des remparts qui enserrent la ville s'épanouit une magnifique végétation. Des jardins coupent en carrés inégaux la surface de la colline, séparés par des haies de cactus et de nopals. Vers le centre, des palmiers, des mûriers, des caroubiers forment une épaisse forêt, d'où surgit çà et là quelques murailles brillantes de lumière. Au fond du tableau, le Sanin élève ses dernières cimes, recouvertes d'une neige éternelle. À la fraîcheur de la végétation, au léger cumuli dont se couvre le ciel, on se croirait en Europe. Le port de Beyrouth ne reçoit que de petits bâtiments. Les gros vaisseaux restent en rade. Des Arabes demi-nus se précipitent à la mer pour nous enlever du canot dans leurs bras nerveux et nous déposent sains et secs sur le quai moyennant un léger bakchiche. Dès le premier coup d'œil jeté sur la ville, on voit à quel point le commerce y est florissant. Les maronites aux habits sombres et grossiers, le druze aux turbans blancs ou grayés, bardés d'arbres magnifiques, des Arabes étalant leurs haillons superbes, des Turcs, des Grecs, des Juifs, des Arméniens, tout cela se presse sur le port, Babel de langage et de costume, où néanmoins semble dominer l'élément chrétien. Là, le Liban apporte son vin et ses soies, le Yémen son café, le Oran ses blés, Djeba et les Latakiel leur blond tabac, Palmyre ses chevaux, Damas ses armes, Bagdad ses riches étoffes, l'Europe enfin les innombrables produits de sa vaillante industrie. De même que dans tout l'Orient, l'aspect des rues tient peu les promesses du panorama. Les maisons cachent sur leur massive enveloppe de pierre les plus capricieuses fantaisies de l'imagination arabe, comme ces femmes de Constantinople, qui, le visage couvert d'une épaisse mousseline, la taille effacée sous l'ampleur du ferredjé, les pieds enfouis dans des bottes informes, cachent souvent des trésors de beauté. Les rues sont étroites et rapides, reliées quelquefois par des passages voûtés. Quelques-unes, plus larges, sont occupées par des cafédjis. Des Arabes accroupis y fument tranquillement le chuchet ou le chibouk à l'abri de tentes en sparterie grossière, suspendues sur leur tête. Çà et là, au beau milieu de la rue, de superbes enfants entièrement nus roulent dans la poussière leurs petits corps bronzés par le soleil. À part les fortifications et les anciens châteaux qui défendent son port, Beyrouth n'a pas de monument. Le bazar seul a quelque peu l'aspect monumental.